Exode chapitre 27. Tu feras aussi un autel de bois de sittim, ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes à ses 4 coins, ses cornes seront tirées de lui, et tu le couvriras d'airain. Tu feras ses chaudrons pour recevoir ses cendres, et ses racloirs, et ses bassins, et ses fourchettes, et ses encensoirs. Tu feras tous ses ustensiles d'airain. Tu lui feras une grille d'airain en forme de treillis, et tu feras au treillis 4 anneaux d'airain à ses 4 coins, et tu le mettras au-dessous de l'enceinte de l'autel en bas, et le treillis s'étendra jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras aussi des barres pour l'autel, des barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'airain. Et on fera passer ces barres dans les anneaux, les barres seront aux 2 côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras d'est, et il sera creux. Ils le feront ainsi qu'il t'a été montré en la montagne. Tu feras aussi le parvis du pavillon, au côté qui regarde vers le midi. Les courtines du parvis seront de fin lin retors, la longueur de l'un des côtés sera de 100 coudées. Il y aura 20 piliers, avec leurs 20 soubassements d'airain, mais les crochets des piliers et leurs filets seront d'argent. Ainsi, au côté du septentrion, il y aura en longueur 100 coudées de courtines, et ses 20 piliers, avec leurs 20 soubassements d'airain, mais les crochets des piliers, avec leurs filets, seront d'argent. La largeur du parvis du côté de l'occident, sera de 50 coudées de courtines, qui auront 10 piliers, avec leurs 10 soubassements, et la largeur du parvis du côté de l'orient, directement vers le levant, aura 50 coudées. À l'un des côtés il y aura 15 coudées de courtines, avec leurs 3 piliers et leurs 3 soubassements, et à l'autre côté, 15 coudées de courtines, avec leurs 3 piliers et leurs 3 soubassements. Il y aura aussi pour la porte du parvis une tapisserie de 20 coudées, faite de pourpre, d'écarlate, de cramois, scie et de fin lin retors, ouvrage de broderie, à 4 piliers et 4 soubassements. Tous les piliers du parvis seront ceints à l'entour d'un filet d'argent, et leurs crochets seront d'argent, mais leurs soubassements seront d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, et la largeur de 50 de chaque côté, et la hauteur de 5 coudées, il sera de fin lin retors, et les soubassements des piliers seront d'airain. Que tous les ustensiles du pavillon pour tout son service, et tous ses pieux, avec les pieux du parvis, soient d'airain. Tu commanderas aussi aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive vierge pour le luminaire, afin de faire luire les lampes continuellement. Aaron, avec ses fils, les arrangera en la présence de l'Éternel, depuis le soir jusqu'au matin, dans le tabernacle d'assignation, hors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour les enfants d'Israël, dans leurs âges.